music. Faut faire le plein de bonne humeur. Hey, ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1. Dès 20h, la trappe avec Jadoul et toute son équipe sur KIF. Bonsoir, bienvenue, c'est mercredi. Vous avez choisi la trappe pour vous accompagner, pour vous changer les idées. Ça y est, on est là, on s'installe. On est avec vous pour une émission exceptionnelle avec toute l'équipe. Je vais vous les présenter tous dans un instant. D'abord, laissez-moi vous dire ce qui arrive dans quelques minutes. On va voir le pourtoi de la semaine. On va revenir sur une belle création d'RTL qui est l'émission Aidez-moi ce chien rendingue. Personne ne l'a vu, cette émission? Non, pas du tout. Non? Non. Tant mieux. Je dis rien. Vous allez voir. On vous a gardé le meilleur. Autant vous dire que la séquence fait 3 minutes. C'est dommage sur une si grande émission. Julien de Roubaix sera de retour pour régler vos problèmes. La minute tactile de Maëva. Oui. Ce sera sûr. Les sorties du mois d'avril. Ah, ça y est. Ouais. Elle se dit, on est le 12 avril. Il est temps que je leur parle de ce qui va sortir au début du mois. Non, mais la semaine dernière, il y a eu un petit souci. Voilà, ça va. Wow. Allez, bienvenue. Avant de faire toutes ces jolies séquences, je vous propose de venir sur l'anniversaire d'un grand monsieur. Demain, il fêtera ses 83 ans. C'est monsieur Vladimir Kosma. Alors, je vois qu'Antoine Dodeline, ce qui signifie... Par exemple, tu veux un titre comme ça de ouais. Vladimir Kosma, Les Demoiselles de Rochefort. Exactement. En fait, c'est un compositeur, c'est un monsieur cultissime dans le domaine musical et il a fait les plus grands films français. Alors, je vais présenter cette équipe comme s'ils étaient des personnages de ces films cultes. Par exemple, une comédie policière ici pour démarrer. Il serait dans le rôle d'un inspecteur de police recherchant un gangster. Alors, je le vois déjà dans son grand manteau beige, un grand impair, l'inspecteur La Bavure. Bonsoir Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va plutôt bien. Ça te va, Vladimir Kosma, l'inspecteur La Bavure? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien Moi, sûr. Moi, je pourrais me le faire en boucle, ce film de Coluche. C'est vrai. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Dreams are my reality, the only kind of reality. Ensuite, j'ai choisi Reality, du film La Boum, interprété par Richard Sanderson. Le morceau idéal pour faire un slow. Impossible de se prendre un râteau là-dessus. Bonsoir Maëva. Bonsoir. En plus, tu sais que j'adore cette musique. C'est vrai? Mais oui, j'adore La Boum. Et viens dans mes bras. Tu gagnes des points. Hein. Qu'est-ce qu'on danse bien? Tu sens bon? Elle s'est lavé les cheveux. Bref, n'en parlons plus. Bon, et puis Kix, on va pas te faire un dessin. Ah oui, évidemment. Rien de neuf, sous le soleil. Tu pouvais pas me faire plus plaisir, c'est ma musique favorite aussi. Mais je pense que c'est l'un de tes films préférés. C'est vrai, bah, notamment l'acteur Pierre Richard. Mais... Ah ouais, bah, tous les films de Pierre Richard, c'est toujours... Je les ai tous, hein, c'est une collection. Et le pire, c'est que lui, il les a en physique, hein, c'est les DVD. C'est pas une vanne. J'hésitais entre La Chèvre, Le Grand Blond et d'autres en fait. Mais je me suis dit que La Chèvre, ça te va quand même plutôt bien. C'est vrai. Mais bon, je pense que toi aussi, tu mérites une petite musique, non? Tu penses pas? Moi, une musique? Ouais, non? Il nous réunit tous les mercredis soirs pour nous faire parler. Ça m'a tout l'air d'un dîner de con. Non mais c'est ça, tu penses que le mercredi soir, je vous réunis pour vous faire parler et me foutre de votre gueule? Oui, oui, clairement, oui. Bon, je sais que c'est le principe du dîner de con, mais... Ah non, je me serais pas permis. Ah non, j'ai trop de respect. Kix, parle-nous de ton trajet de train. Wow. Jadoul et son équipe dans la trappe. Ayana Kamura maintenant. Et dans un instant, on va faire ce magnifique débrief de l'émission Aidez-moi, ce chien me rend dingue. Vous êtes pas prêts? Enfin, eux non plus n'étaient pas prêts. Tous les mercredis soirs pour vous accompagner, l'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul, toute l'équipe est au grand complet. Et oui, je peux vous citer sur les doigts d'une main ceux qui ont pris une douche, ça tombe bien, on est que 4. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Aidez-moi, ce chien me rend dingue. Qui a vu cette émission? Non, mais j'aurais dû. Non, oui, non, je. Oui. Mmh. Peut-être Mamie Bola, mais elle m'a rien dit. Et Antoine, toi qui est encore un peu devant la télé Non, j'ai vu quelques images vite fait en zappant, oui. Mmh. Bon, bah, je vais vous résumer. Hein. C'est une nouvelle émission d'RTL TV, mais spoiler, hein, ce programme ne fera pas revenir les gens devant la télé. Découvrons tout de même Cathy et Jean-Luc. Portrait, ils sont deux amoureux des bêtes depuis 10 ans. Ils sont deux heureux parents de chiens qu'ils ont été prendre dans un refuge. Nous avons deux chiens, Dundee et Seti. Mais comme dit la voix off, s'ils forment une jolie famille, il y a tout de même un nuage à l'horizon. Oh bah un petit nuage, qu'est-ce qui se passe avec ces deux adorables petites bêtes? Personne n'a une idée? Non, ils s'entendent pas, ils se rongent. Ils se griffent. Ils sont insupportables, tout simplement. Ah ben, ce qui cloche. Et le problème, il est avec Dundee. Eh oui, Dundee se montre très agressif et cela inquiète beaucoup Cathy. Genre, il est vraiment méchant? Maintenant, on n'ose plus le laisser seul avec des enfants. Même avec nous, il est agressif. Avec les autres chiens en balade, il est aussi agressif. Disons qu'il a son petit caractère bien trempé. Donc on ne sait rien faire avec le chien, en fait, hein, si vous comprenez bien. C'est terminé. Le méchant Dundee. Le méchant Dundee, c'est un dandy. Laissez tomber. Bon, un caractère bien trempé. Et pour un aussi moche et petit chien, c'est un Yorkshire. Comment c'est possible? Ça veut dire quoi? On va te coiffer. Tu viens près de moi. Viens près de moi. Allez, viens près de moi. Allez. Attention. Non, stop. Stop, Dundee. Normalement, c'est la musique de Philippe Etchebest quand il empoigne quelqu'un dans la cuisine. Durant deux secondes, j'ai cru que c'était Maëva. Hein. Mais tu... Je rigole. Oh, ça va. Sans la laisse, ouais. Bien sûr. Non, mais je vous rappelle que le principe de cette émission, c'est Amy, la spécialiste qui va entrer en action pour pouvoir donner des conseils. C'est 80% du programme. Elle va coacher les maîtres pour pouvoir essayer de s'en sortir et redresser, réapprovisionner les chiens. Sauf que en fait, c'est la partie chiante de l'émission qui dure la trois quarts de l'émission. Mais elle va réussir à faire un travail sur l'animal, sur les maîtres, et au bout de quelques semaines... Vous voulez entendre le résultat? Qu'est-ce que ça donne? Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'attends vos vidéos d'exercice. Au revoir, merci. Au revoir les chiens. On va faire un beau gamin. Bien. Il peut se montrer très gentil, très câlin, mais. Ouais. Y a plus là. C'est-à-dire qu'avant il me bouffait le doigt, maintenant il me bouffe le bras directement. Ah oui, là je pense qu'il a fait la tête, tout le reste du corps. Et puis 20h, Jadoul et son équipe dans la trappe. Bienvenue tous les mercredis, la trappe pour vous accompagner. On a plein de surprises pour vous. Maëva va arriver avec sa minute tactile, c'est le moment où elle profite pour palper toute l'équipe. Oh. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Tactile. Avec Jadoul. Jadoul sur KIF. Oh, ça faisait longtemps, un petit top 5. Oh, yes. Oh, bah oui, bien sûr. Alors, on a fait dans la légèreté, on se dit, on sort de Pâques, on va faire quelque chose de sympa pour tout le monde. Pour digérer tous les chocolats. Exactement, pour petits et grands, pour toute la famille. Vous nous écoutez à 20h passées, vous vous dites, il nous faut de la bonne humeur. Nous allons faire un top 5 des chansons les plus racistes ou misogynes. Qui ne choquait personne il y a quelques années, mais qui maintenant passe un petit peu moins bien. Alors, je ne suis pas seul pour animer cette séquence. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Ah, notre Jean-Marie Le Pen, il va bien? Oh. Oh, il est mal passé celui-là. C'était bien gras. Oh, la vache. C'est un œuf qui est mal passé. Ouais, ça. Bah justement, Jean-Marie reste bien assis parce que voici la chanson qui arrive en numéro 5 de Stop. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention les secousses. C'est qui ça? Yannick Noah. Yannick Noah, bien sûr. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention et secousse. Direction quartier pour danser poulet braisé. Alors autant vous dire que ça, ça partait peut-être d'une bonne intention, mais quand on regarde aujourd'hui d'un œil nouveau, le clip est moche. On montre que des personnes de couleur en train de danser. Mais ça peut pas être raciste. Eh ben si, parce que au final, le résumé de cette chanson signifie que les noirs savent bien danser. Oui, mais à partir du moment où c'est une personne de couleur qui... Non, ça n'annule pas. Non, ça n'annule pas. Okay. D'ailleurs, tu vas le voir dans un instant. D'ailleurs, il y a ton meilleur ami là en numéro 4 de ce top. Michel. Bah oui, Mich. Ils ont le pétrole, mais c'est tout. ont le pétrole, mais c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les bignoux. Mais Michel, s'il te plaît, arrête de mettre du bignou partout, s'il te plaît. Il y a du bignou absolument dans toutes tes chansons. Alors oui, Michel Sardou chantait, ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a du bon vin, le bon pain, etc. Oui, c'était en 79, hein, notre bon vieux Michel, qui n'a pas encore manqué une occasion de contribuer au patrimoine français de la chanson. Il a fait sa carrière là-dessus, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il était spécialisé dans les textes engagés, ils diront. Numéro 3 de ce classement, le petit beurre. Un enfant, ça veut rien dire. Non mais sérieusement, ça encore, une chanson exceptionnelle, c'est Rachid Ferrache. Il était professeur de chant à la Starac, j'espère qu'il a pu transmettre sa science, hein, parce que c'est quand même une chanson raciste produite par une victime du racisme elle-même. C'est un peu spécial, hein. Prof à la Starac et tout le monde l'a oublié. Oui, j'ai l'impression que ça fait partie des apparitions éphémères. Moi, je vois même pas c'est qui. Hein. J'ai non, non plus. Je peux mettre un Rachid visage. Ferrache. Hein. Non, je sais pas du tout. Jean-Marie, peut-être une idée sur cette chanson. Dans notre profession scientifique, en quelque sorte, consistait à produire des sons sur disque, à le faire de manière objective, de telle sorte que personne ne se sente lésé ni violé par notre activité professionnelle. Pas tout compris, mais... Je viens de découvrir un truc. Quand je suis saoule et que je ne fais que les consoles, je parle comme Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est ça, en fait. Ou quand tu prends les taxis, hein, tu sais... Vous pouvez vous clasher hors antenne, merci. Si je vous dis Tyrolie Pimpon, vous me dites... Sur le chihuahua. L'été dernier, fatigué, je suis parti sur une chaloupe bronzée, ma carte de crédit à la Guadeloupe, dans une place en bambou. J'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tyrolie Pimpon sur le chihuahua, Tyrolie Pimpon avec la tête, avec les bras, Tyrolie Pimpon, un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes, touche à tes ananas. Voilà, c'était la déclaration de Carlos, bien sûr. Je vous souhaite très bon courage. Ah oui. Ah. Je peux pas vous diffuser Tyrolie Pimpon sans vous diffuser cette énorme bourde. On remonte avant les années 2010, le décès de Carlos. Moment crucial, la dépêche vient de tomber. Quand on est journaliste, il faut improviser et aller sur le front et l'annoncer. Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tyrolie Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage. Une bonne montée, hein. Je pourrais me le refaire en boucle parce qu'en tant qu'animateur, on a cette espèce de compassion de se dire il souffre. Là, il souffre. On lui souhaite un bon voyage. Au secours. Ce qu'il aurait dû dire, peut-être. On se fait le dernier. Allez. Juste pour la rythmique. Moi, je l'aime beaucoup. Il est en numéro 1 de notre top 5. Ils se sont éclatés sur le ferry, ils se sont éclatés. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Aïe. Par la police, ils se sont fait serrer commissariat et se sont retrouvés. Bah oui, du même genre, hein. La Sophita va se faire engueuler le père Mokhtar et rentre à la frontière. Incroyable. Bah alors bon, j'aime beaucoup Vincent Lagaffe, donc je ne peux pas dire grand chose là-dessus. Ça appartient à son époque, mais c'était quand même quelque chose. Mokhtar, il a évidemment volé le scooter, il est évidemment un grand bandit, il a retrouvé tous ses potes au commissariat. Bravo. Et il faut pas oublier de dire qu'aussi il fera partie du combiné. Ah Vincent oui. Lagaffe. On va jouer avec lui tout à l'heure. Eh oui. J'espère que vous serez drôle, hein, parce que c'est un grand monsieur. Sinon, moi, je vais pas hésiter. Un coup de combiné pour tout le monde. Raclée générale. Ah non. Ah bah on verra. Non, Jean-Marie Le Pen, ça t'a plu tout ça? Mais ça indique quand même un certain niveau de respect des uns et des autres qui sont peut-être inconcevables maintenant, mais qui ne l'étaient pas pour des gens comme nous et comme eux peut-être à ce moment-là. Hein, oui, je le vois déjà en train de danser chez lui, notre Jean-Marie Le Pen. Putain d'époque. J'ai pris mes médocs. Il est bien français, l'UJPK. Putain d'époque. Tu sais bien faire Jean-Marie Le Pen, toi. Oui, n'est-ce pas? Rajoute un petit glaire. Est-ce que Jean-Marie Le Pen peut nous, bon appétit si vous passez cette table. Peut nous présenter l'UJPK. Nous allons écouter maintenant l'UJPK. Putain d'époque. ça marche bien. Antoine, d'ailleurs, tu vas nous parler de quoi? On va se faire un petit feedback concernant Twitter Blue. Oh là là, on a des choses à dire on là-dessus. On a des choses à dire, oh oui. D'abord, ça, une page de pub. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Votre état de santé nécessite des soins réguliers ou occasionnels. Vous habitez les communes suivantes. De Bruxelles à Tokyo, Clarisse Bowens, infirmière à domicile 7 jours sur 7, dort au milieu de ses fleurs et de ses tricots. Et vous prodigue avec douceur et plus de 10 années d'expérience tous soins infirmiers pour retrouver le chemin d'un bonheur ou dépannage urgent au numéro d'appel 0-485-79-51-11 sont de sa compétence. Jonglerie, équilibre, aérien, acrobatie. Un conseil utile, elle aime toucher, humer, danser, chanter, jouer. Et par-dessus tout, elle aime raconter ses secrets, à la fois doux et sans tabou. Elle a embarqué avec elle une caméra et a rencontré d'autres femmes que l'on sent venues de très loin. Il y en aura donc pour tous les goûts, c'est le moins que l'on puisse dire. L'émotion surgit à fleur de peau. L'occasion pour vous de découvrir Clarisse Bowens, d'origine belge, de premier choix. Un jour ou l'autre, vous pourrez en avoir besoin. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Ah, c'était très fort encore cette semaine. On embrasse ce monsieur qui fait ses publicités. J'imagine, c'est la Clarisse Bowens, je sais pas comment on dit, entend cette vidéo. Elle va être plutôt surprise d'entendre ça. Dans quelques instants, on va faire des problèmes. On va régler justement des problèmes avec Julien de Roubaix et toute son équipe, l'avocat, Hervé Bouchoir et bref, tout le beau monde. Et on aura Vincent Lagaffe dans l'interview combinée. Eh oui, ça va être très sympa. Vous bougez pas, ça se passe ici, on est avec vous. Tous les mercredis, l'émission s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoul. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oh, vous avez peut-être un problème. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème, Maëva, au hasard? On appelle Julien de Roubaix. Oui, exactement. Alors, dans la vraie vie, c'est Julien Courbette, sans aucun doute. Mais chez nous, vous comprenez, pour des raisons de budget, il vient de Roubaix. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes là. Et je vous le garantis, le studio est plein à craquer. Nous sommes sold out, comme on dit. Alors je vais vous présenter tous ceux qui sont avec moi dans quelques instants. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter l'équipe. Une équipe qui bosse, et ça c'est rare. Donc on a pris ceux qui étaient disponibles. Maître Felleneux, la grande avocate pénaliste et pénible qui s'est encore maquillée avec un fusil. Bonsoir Julien. Hervé Pouchoir, le négociateur qui s'occupe de la salle des appels. Il est toujours célibataire et on comprend pourquoi en regardant sa chemise entrouverte. Bonsoir Julien. Merci à tous, nous allons tout faire pour vous aider, pour régler vos problèmes et vous donner les meilleurs conseils. C'est moi Julien, Julien Droubet pour vous servir. Et merci à vous tous d'être là. Marion, nous allons démarrer avec vous. Mais laissez-moi décrire aux auditeurs que nous avons dû vous séparer, car il y a deux mâles dans ce studio, deux mastocs prêts à bondir tant leur cas est révoltant. On va commencer avec ce monsieur. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Julien de Roubaix. Jean-François qui fait un petit 75 kilos à vue de nez. Oui, c'est exact. Pour la jambe droite, parce que si on rajoute la jambe gauche, enfin bon bref, c'est bien plus. On rigole, vous êtes à combien? Vous êtes super costaud. Oui, 135 kilos effectivement. Oh, un beau bébé, son acolyte ne doit pas être loin. Nicolas, légèrement en dessous. 105 kilos pour 1m87. Il y a du lourd ce soir, comme on dit. Bon, Marion, on va s'intéresser à votre problème. Un vol annulé? Oui, je voulais m'envoler pour San Francisco aux États-Unis. J'ai eu un empêchement, j'avais l'assurance annulation. Ils ont refusé de me l'activer quand j'ai voulu m'en servir 3 jours avant le vol. C'est un blocage idiot. Vous avez le droit d'introduire votre demande de remboursement. Hervé, un mot à dire. Je résume. Marion prend l'assurance pour annuler quand elle le souhaite. Elle veut annuler. Et là, l'agence refuse de faire le nécessaire sans raison. Un bête blocage. Je leur ai déjà envoyé un recommandé et ils n'ont pas donné suite. Au téléphone, ils tentent de me faire partir sur un autre vol, mais je ne veux plus faire ce voyage. Si je comprends bien, ils veulent vous faire partir quoi qu'il arrive. Pour ne pas vous rembourser, on invente n'importe quoi, on marche sur la tête, c'est une grande première. Hervé Pouchoir, composez le numéro de la compagnie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà lancé l'appel. Il va falloir avancer là-dessus. C'est une compagnie pourtant sérieuse. Nos standards, là, on va appeler le standard. Oui. Voilà. Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Assistance Air France, bonsoir. Julien de Roubaix, nous sommes en direct à la radio pour Marion, notre auditrice. Maître Fais-le-Nœud nous explique le cas et vous le résume à vous, monsieur, merci de nous répondre. Oui, Julien, allô monsieur, bonsoir. Marion est avec nous car elle n'arrive pas à se faire rembourser un vol qu'elle n'a pas pris malgré qu'elle avait une assurance annulation et imprévu contracté, comme dans votre mention légale, 24 heures avant le vol. On est vraiment à la radio là? Oui monsieur, on va vous donner des références hors antenne pour avancer sur ce cas. Hervé, vous récupérez l'appel. Maître, tant que je vous ai réveillé, on va profiter de vos yeux ouverts pour s'intéresser à nos deux costauds là, qui sont là-bas. Oui, Julien, Jean-François et Nicolas sont bagagistes pour une célèbre compagnie aérienne et ils ne sont plus payés depuis 4 mois. La bagarre ! Ne vous emportez pas, Jean-François, enfin. Nicolas, qui semble avoir la tête plus froide, hein, malgré sa carrure de rugbyman, pouvez-vous m'en dire un petit peu plus ? Expliquez-moi hein, ce problème de paiement de salaire. Bon, c'est-à-dire que... Ah, une alerte du côté du cas de Marion. A-t-on pu avoir des réponses d'Air France, Hervé Pouchoir? Ce charmant monsieur de la compagnie a retrouvé les infos du dossier. Je vous le passe, il a quelque chose à vous dire. Oui, monsieur? Ouais, monsieur Julien de Roubaix, là, moi-même. Marion, en direct à la radio. Bah, elle va prendre son vol, il est hors de question qu'on respecte son droit d'annuler. Et quoi, vous voulez qu'on émette un remboursement? Elle va aller dans un de ces putains d'avions, elle va arrêter de nous faire chier, la connasse. Oui. Et ça va, merci monsieur, aussi je vous souhaite une très belle soirée, merci monsieur. Oh, Julien, je propose un accord. Marion va accepter de prendre un autre vol et nos deux bagagistes qui ne sont plus payés vont faire un sitting dans cet avion. Le poids additionné de nos deux sportifs coûtera trop cher au décollage de l'appareil, ainsi la compagnie cédera aux demandes. Voilà, c'était la médiation de Maître Fais-le-Nœud et on vous rappelle que pour toute affaire engagée, elle s'engage elle à vous offrir avec tout son cabinet un kir maison. Mais je ne suis pas d'accord, hein. C'est une solution en carton, vous êtes des guignols en fait. Vous êtes satisfaite Marion, nous aussi. Profitez d'être dans l'avion pour piquer quelques plateaux repas, un peu de nourriture ne fera pas de mal à notre équipe qui s'est donné encore beaucoup de mal aujourd'hui pour régler tous vos problèmes. Eh oui. Oh. What's the sense in sharing this one and only life? Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Moi j'ai pas. Bah, c'est ce que dit Soprano. Après nous, on verra ce qu'on aura pour la suite, comme par exemple la minute tactile de Maëva. On aura aussi Vincent Lagaffe qui sera notre invité dans l'interview combinée. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Je suis impatient de retrouver Vincent Lagaffe dans notre interview combinée. On vous rappelle vite le principe si vous découvrez l'émission. En fait, il faut reprendre une interview du média Combini, faire des autres questions plus drôles, mais on garde les réponses originales de l'invité. Ça va être exceptionnel. Tout le monde a préparé, ça va? Oui. C'est marrant comme il y a des oui très confiants, il y a des oui pas du tout confiants. Kix, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu vas être drôle. Je vais être drôle. Voilà, merci. Ça va être encore une très grande séquence. En attendant, actu connecté, l'air de rien, c'est un peu notre mission quand même dans l'émission, même si on a l'impression qu'on s'en éloigne de plus en plus. Maëva est là pour nous remettre l'église au milieu du village et surtout, arrêter les disputes de couple. Ah bon ? Bah oui. Ah oui, pour choisir. Voilà, je me dis, on n'est pas du tout sur le même sujet. Pourtant, bon, si. Ça peut aider des couples. Ah si, marre de se prendre la tête à choisir une série. Maëva, t'as plein d'astuces pour nous. Oui, les sorties du mois d'avril, mais on commence d'abord avec le cinéma que tu veux toujours oublier parce que tu n'aimes pas le cinéma. Mais non, j'aime bien le cinéma, mais c'est devenu... Tu n'aimes plus le cinéma maintenant. Plus value. Les gens sont mal élevés. Bref, si un jour tu veux te retourner dans le cinéma, il y a Super Mario Bros, le film qui sort. Oui, on en parle. Tout le monde en parle. Depuis des mois, même depuis des années, c'était la grande sortie 2023. Donc le film qui a le même nom que le jeu est sorti la semaine dernière en fait au cinéma. Donc voilà, c'est l'histoire de Mario et tous ses copains, la princesse Peach. La princesse Peach? Peach! C'est elle qui est fourrée au chocolat? Non, Peach! Ok, d'accord, bon, comme c'est pas grave. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortie? Alors aujourd'hui, on a Donjons et Dragons, l'horreur des voleurs. Non, c'est une série SM, ça encore, c'est dégueulasse. Non, pas du tout, c'est un film donc d'aventure, encore une fois, voilà. Pour la semaine prochaine, on a le nouveau film de Danny Boone qui va sortir, La vie pour de vrai. Ah, et je l'ai croisé avec Cadmérade. C'est vrai? Waouh! La chance! Je lui ai pas dit bonjour, hein, mais sympa. À travers une vitre, je vais pas avec lui. Coucou. Non. T'as pas été faire pipi, c'est ça en fait. La vraie excuse, bah, c'était de faire pipi, encore loupé. Ouais, non, mais moi, les stars, c'est marrant, je les repasse à côté. Je vous ai déjà raconté mon histoire avec Jean-Paul Rouve. Je sortais du studio Gabriel à Paris et c'était là où on prend les taxis sur l'avenue des Champs-Élysées. Et simplement, je sors et là, je fais pas gaffe, j'étais sur mon téléphone, il était tard, j'étais fatigué. Je marche sur le pied de quelqu'un et il me fait, mais c'est pas vrai, toi? Je me retourne, Je vois un monsieur avec des grands cheveux, il était en plein tournage des Tuches, et c'était Jean-Paul Rouve qui était là, et je lui ai écrasé le pied. C'est ma plus grande anecdote avec une star. Et après, tu lui as dit quoi, t'as pas... J'ai fait « Pardon », et je me suis vite casé. Voilà, c'est tout. Courageux, mais pas trop. Quoi d'autre dans les sorties? Mais on passe sur Netflix avec une série acharnée, ça s'appelle. C'est sorti le 6 avril. C'est avec Steve Yeun, c'est celui qui joue Glenn dans Walking Dead, je sais pas si vous suivez. Ah oui. Voilà, l'humoriste Ali Wong se réunissent dans une comédie déjantée un petit peu. C'est, ils se sont énervés contre un automobiliste, pardon, et ils vont se retrouver au sein d'une vendetta tragique. Enfin voilà, à suivre. Ah oui, la vendetta. Une nouvelle série Netflix. Super bonne pizzeria. Mais c'est pas une pizzeria. Ah si. Ah ok. Tape pizzeria Vendetta sur Google, tu verras. Donc je pense qu'ils sont deux établissements. Et moi je connaissais Michael Vendetta, mais ah oui non, c'est encore un autre délire ça. Il s'est bien effacé lui d'ailleurs. Et ce serait chouette d'avoir un concept qui mélange tout. Faire la pizza en chantant Michael Vendetta. Bref, laisse tomber. Vas-y, je m'égare encore. Une création française Netflix, c'est Jusqu'ici tout va bien avec la comédienne Nawel Nawel Madani. Merci. Très drôle. Je d'ailleurs. Ne sais plus parler. Ah ouais. Mais ben non. Mais oui, mais là justement, l'humoriste belge va faire sa première série dramatique. Donc elle change totalement d'univers et voilà. Okay. Et du coup, en avril, Netflix n'a pas chômé parce qu'ils ont une autre série originale Netflix, c'est Transatlantique. Je sais pas si vous aviez vu la mini-série Unorthodox. Unorthodox, c'était d'après les familles juives, etc. C'était un peu comment vous pouvez échapper ou pas. C'était Pas du tout. Le même réalisateur qui a fait ça avec Anna Winger et voilà, là ça va plutôt parler en pleine Seconde Guerre mondiale, découvrir l'histoire d'un journaliste américain et d'une héritière. Tu conseilles? Je conseille, oui. Tu as vu? J'ai commencé, oui. Ah. C'est sorti le 7 avril. Combien d'étoiles? Sur 5? Ouais, en fait elle va devenir critique. Alors, mais non, ce que j'allais dire, j'ai pas vraiment le bagage pour faire ça, mais ça a l'air sympa et moi j'avais vraiment bien aimé Unorthodox, la manière dont c'est réalisé, dont c'est expliqué, ça nous tient. C'est vraiment une mini-série, en plus il y a pas à se farcir toutes les saisons. C'est pratique ça, voilà. Intéressant. Ah ouais, non, ça fait du bien ça. Merci pour tous ces conseils Maëva. Plaisir. On te retrouve tout à l'heure pour le Fallait le dire plus tôt. Oui. Tu vas encore nous faire jouer, ça va nous rendre fous. Mais j'ai peur parce que d'habitude c'est que vous deux, ça va, mais là il y a Antoine. Ah oui, oui, dès qu'il y a de la culture dans le cerveau. Lui il va trouver. Pas du tout la pression, le coup d'un seul. C'est là qu'il va pas trouver et nous on va briller pour une fois. Est-ce que tu peux déjà nous teaser un petit peu? Ça va parler de quoi? Oui, la jauge d'essence sur une voiture. Est-ce que vous voyez où on voit le niveau? Ouais. Il y a un petit truc d'essence dessiné à côté. Ah, voyons. Ah oui. Et à côté, il y a une petite flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Oh. À quoi sert la petite flèche à côté du symbole essence sur le tableau de bord? À côté de la jauge, c'est ça. Mais tu vois, résumé comme ça nous fait gagner 1 minute 30. Merci. C'est la trappe. La trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. Oh non. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah. Dès 20h sur KIF. Je mangeais un chocolat, excusez-moi. Ouais, ça va, c'était le pack. Bon, combini, oui. Interview combinée. Donc, on garde les vraies réponses de l'unité du média combiné. Ça fait saliver le chocolat, quelle horreur. Ouais, tu mousses un peu. Là. Je mousse, je bave. J'espère que t'es pas allergique, parce que... Infirmière. C'est comme ça qu'on fait la mousse au chocolat. Ah, la mousse au chocolat de Jadoul. Je suis dégoûté. Taisez-vous. J'aimerais bien qu'on explique aux gens qui arrivent pour la première fois ici qu'est-ce que c'est l'interview combinée. On fait des questions rigolotes, mais on garde les vraies réponses de cette semaine. Qui c'est? Je m'appelle Vincent Lagaffe, ça vous dit quelque chose? Vincent Lagaffe, voilà. On ne parle pas devant la star. J'ai fait la gaffe. J'ai fait la gaffe. Tu vois. Oh. Merci. Allez, hop. Et le but, c'est d'être drôle si vous prenez un coup de combiné. Voilà. Kix, t'as bien fait de l'ouvrir, c'est toi qui vas démarrer. Pierre Palmade se lance en boulangerie. Est-ce que tu veux une baguette? Ça peut être prêt dans combien de temps? Je veux essayer. Ah oui, ok, d'accord. Baguette, farine, voilà. Cocaïne. C'est ça. Voilà, dangereux tout ça, évidemment. Touchez pas à cette merde. Eva. Il paraît qu'il y a un lancer de nain dans le coin. Ça peut être prêt dans combien de temps? Je veux essayer. Alors, je sais qu'il aime les jeux farfelus. C'est un peu touchy, ça. Antoine. Twitter Blue, réellement utile? Ça peut être prêt dans combien de temps? Je veux essayer. Oh, c'était pas prêt quand ils l'ont lancé, d'ailleurs. Bon, c'est toujours pas prêt maintenant. Hein. Voilà, autant se le dire. Deuxième question, Kix. Ton fils t'a vu habillé en Père Noël déposer les cadeaux. Tu lui as dit quoi? Non, je savais pas s'il y avait comme cadeau, mais je pouvais le savoir. Ouais, ça, il faut creuser, hein, mais il y a un mais début, le Père hein. Noël existe et c'est lui qui distribue tous les cadeaux. C'est bien. Bah, on est d'accord. Oui, oui. Ah oui. Oui. Maëva, tu prends une Magic Box chez Quick, t'as bien le non, cadeau je savais... mais non, non, je savais pas s'il y avait comme cadeau, mais je pouvais le savoir. Antoine, des idées sur le prochain keynote d'Apple? Non, je savais pas s'il y avait comme cadeau, mais je pouvais le savoir. Oui, si Apple faisait des cadeaux, ça saurait. Ah, ça c'est sûr. Bien dit, ça c'est bien. Il n'y a pas l'inverse d'un coup de combiné, genre des applaudissements. Et toi, Jadoul, t'as la question 2? Rappelez-moi Cocatrix, on tient l'Olympia. Tout ce que j'ai à dire. Kix dernière. Depuis que Laurent Ruquier a remplacé Philippe Bouvard, que s'est-il passé? Aux grosses têtes? Oui. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Oh! Ah là, franchement. Vous êtes exactement ce que j'attendais, c'est incroyable! Merci Edith. Et piaf! Bien sûr. Maëva. Kix qui parle encore de ses pieds. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Ouais, bah on connaît, hein. Il suffit de dire pied, déjà tout le monde va le regarder. Et pas que les têtes, hein, les orteils. Hein. Oh! Oh! Antoine. Quand Elon Musk prend une décision intelligente. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Il y avait le mec qui courait avec les caméras derrière non, moi. Non, ça c'est hors sujet, Vincent, désolé. Bon, à bientôt, hein, Vincent, t'embrasse. Ouais, salut. Gros, hein. Bisous. Salut, salut mon pote. Faudrait que je le retrouve, hein, ce Michel Drucker. Quand, je crois que c'était à la mort de John. Oui, tout à fait. Ça. Le soir même. Oh là là. Mais moi, ça m'a beaucoup ému. Hein. Ouais. Ouais. En parlant d'émotion, OK Boomer, Antoine va nous débriefer Twitter Blue. Oh oui. Grande émotion. Et on va jouer dans un instant avec Kix, ce sera le FaceTime. Le FaceTime, yes. Oh, yeah, absolutely. Une seule émission réunit des gens aussi bizarres autour d'une table et en direct à la radio. Bah oui, c'est nous, il fallait bien des gens pour faire ça. Bah on a répondu présent. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Super court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Il est temps de parler d'un sujet qui est revenu souvent dans cette émission parce qu'au début ça nous a fait peur, ensuite on s'est demandé à quoi ça allait ressembler et il fallait surtout qu'on teste. Bref, toutes ces étapes, on va tout vous résumer avec Antoine dans le Hockey Boomer. Le moment épileptique, c'est le moment où Mamie Paula perd son dentier. On l'embrasse, c'est la grand-mère de Maëva. J'espère qu'elle a passé le joyeux Pâques. Je lui fais des gros bisous. Elle va être contente. Un peu en retard, mais on lui fait un petit câlin à distance. Bon, il est temps de parler de cette grosse affaire qui nous a animés. Hein. Twitter oui, Blue. Toujours reste bleu. Eh oui, ça nous a fait rire, ça nous a fait pleurer. Et Jadoul et moi vont tester Twitter Blue. Oui. Ben, tout d'abord, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Twitter Blue? Alors, vraiment, j'ai pris pour un mois Twitter Blue. Pareil. Rien. Il n'y avait rien qui changeait pour moi. Je n'ai pas vu une différence dans mon quotidien. Je n'ai pas vu une différence dans mes notifications, dans mon fil non plus. Et à part passer pour un gros couillon qui a acheté sa certification, je pense que je n'ai rien fait si ce n'est que de perdre 12 euros. Alors, c'est un peu moins que ça. Hein. C'est un peu moins de 10 euros par mois. Mais si on prend la formule par an, parce qu'on peut s'abonner à l'année, c'est un peu plus de 100 euros par an. Et bah, c'est à peu près pareil. Hein. Ce que j'ai pensé, c'est que c'est cher pour ce que c'est. Il y a vraiment peu de fonctions utiles. Parce que la seule vraie grosse nouveauté de ce Twitter Blue, bah, c'est la certification qui est le seul point important. Oui. C'est vraiment le seul point important. Alors... cette nouvelle certification a amené des problèmes de différenciation puisque ben, vous avez donc le petit Macron, le macaron bleu qui a pas le Macron, hein. Non, le macaron. Non, mais on va en reparler dans quelques instants d'Emmanuel Macron parce qu'il a aussi une certification particulière depuis un petit temps. Ah oui. Puisqu'il y a trois maintenant types de certification sur Twitter. Il y a le bleu. Ça, c'est Twitter Blue, le classique. L'ancienne certification. Il y a une coche dorée maintenant pour les entreprises et c'est 1000 balles par mois. Mais non ! Le journal Le Monde. Oui. Qui est certifié en coche dorée. Ou RTL Info, par exemple, ou Le Soir, pour donner des exemples belges. Eux, ils ont payé ? Ils ont payé 1000 euros, a priori, par mois pour avoir la certification Enterprise. Ouah, mais là, je suis choqué. Tu sais que tu m'apprends un de ces trucs. Et puis c'est parce qu'on peut certifier des comptes derrière ces fameux comptes entreprises. Et là, c'est 50 euros en plus par compte, par mois. Non, mais c'est incroyable. Non, mais par exemple, moi, si je suis producteur d'une émission et que je dois prévoir dans mon budget 1000 balles pour faire certifier un compte, ces 1000 balles, je préfère les mettre à l'antenne que dans un compte Twitter. Oui, oui, oui, très clairement. Très clairement. Et on parlait de Macron tout à l'heure. Ben Macron fait partie de ces chefs d'État qui ont maintenant une coche argentée. Ah. Ça, c'est pour toutes les personnalités, politiciens, chefs d'État, etc., etc. Donc maintenant, il y a en fait ce gros problème de la coche bleue parce que ben, vous avez les personnes qui ont été certifiées depuis très longtemps par Twitter et les personnes qui ont acheté acheter leur certification en prenant Twitter Blue. Et en fait, le problème, c'est qu'au tout début, il fallait aller sur le profil de la personne en question et voir en cliquant sur la coche si c'était une coche légitime ou une coche Twitter Blue. Ouais. Et ça a mené un petit peu de harcèlement quand même envers certaines personnes qui ont pris le compte, la certification, en disant « Ah, toi, tu as payé pour te faire certifier ton compte ». Et certains trouvaient même que c'était une bonne idée de la part de Twitter de supprimer totalement l'ancienne certification, puisque il était prévu au 1er avril que toutes les personnes, tous les comptes qui avaient été certifiés à l'ancienne voyaient leur coche disparaître. Ah, ils avaient prévenu, hein. Ils avaient prévenu, et je me souviens avoir vu une réponse à Twitter qui disait « Merci bon Dieu de faire ça, parce que je me faisais harceler dans tous les sens, parce que les gens pensaient que j'avais payé ma certification, donc en fait je suis certifié légitimement ». Oh là là, mais c'est des prises de tête pour des trucs qui fonctionnaient très très bien avant. À mon avis, ils n'ont pas vu arriver ce contre-coup de la mauvaise image de la certification. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont été malins parce qu'ils n'ont pas enlevé les coches sur les anciens comptes. Ouais. Donc vous avez pour les deux types de coches bleues. Mais maintenant, quand vous passez sur la coche bleue, ça vous dit ce compte est certifié parce qu'il est abonné à Twitter Blue ou bien il a été certifié par l'ancien système de certification. Ça, donc, de base, on ne sait pas si la personne a payé ou non. C'est récent, ça. C'est très récent, effectivement. Ça date d'il y a quelques semaines. Mais alors, si vous voulez vraiment creuser un petit peu, si vous utilisez Google Chrome ou Firefox, il y a une extension qui s'appelle $8. J'adore. $8, c'est le prix à payer en dollars pour l'extension Twitter Blue, l'abonnement Twitter Blue. Et en fait, cette extension va remplacer la coche sur Twitter.com et va vous dire si c'est une coche valide, certifiée, ou si c'est une coche payée, obtenue via Twitter Blue. Personnellement, moi, c'est désactivé, Twitter Blue, comme toi, j'ai résilié. T'avais hésité, est-ce que tu reprends, est-ce que tu reprends pas? J'avais hésité, finalement, je me suis dit, je préfère mettre 9,68 par mois ailleurs que dans Twitter, qui n'arrête pas de déconner de plus en plus, et on peut aussi revenir sur les décisions politiques d'Elon Musk, qui sont très discutables, mais je ferme pas la porte à un réabonnement. Ah. En fonction de l'évolution de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Si ça vaut vraiment la peine, parce qu'actuellement, c'est quand même assez léger, quand même. Bon, bah merci pour ce petit récap Twitter Blue. Donc, est-ce que tu conseilles là dans l'état actuel ou pas? Franchement, non. À part, il y a quand même un cas où c'est intéressant. Je l'ai vu sur Numérama, ils ont fait un papier intéressant là-dessus sur Twitter Blue, et il y a un gars qui faisait un mémoire, je crois, et qui disait « J'ai pris Twitter Blue pour être certifié et pour atteindre des personnes qui, si je n'avais pas été certifié, n'auraient peut-être pas vu mes demandes pour une interview ou quoi. » Donc, ça peut être intéressant sur certains points, périodiquement, mais sinon, à part ça, non. Je pense que c'est intéressant, là, maintenant, tout de suite, parce que l'autre jour, j'étais en train de voir dans un fil un mec qui faisait une réflexion à la con et que je trouvais complètement déplacé dans une discussion, un trade de Twitter. Je clique dessus, c'est un acteur porno qui avait payé sa certification. Mais, oui. Mais ça veut dire que n'importe quel, désolé pour le mec, hein, mais n'importe quel blaireau peut maintenant avoir cette authenticité. Mais surtout que toi, moi, on peut créer un nouveau compte, je peux m'appeler Kix, tu peux t'appeler Maeva, et on peut se prendre un abonnement Twitter Blue et se faire passer pour Kix ou Maeva sur Twitter sans aucun problème. Et vous gagnez de l'argent avec ça? Non, on va pas montrer nos pieds, nous, Kix. Non, c'est tout. La différence, non. Bon, bah, merci pour le débrief, Antoine. On se tiendra au courant si jamais tu te réabonnes. Ah, bah, on peut faire ça. Parfait, vendu. Dès 20h, c'est la trappe sur Kayev. Kix, t'es prêt à nous faire jouer? Oui, bien sûr. Alors, on va dans la room. Retour sans aller. La room 69. Avec Taïk. Dans la trappe. Et dans le noir. Donc j'aimerais. On va bientôt démarrer la deuxième heure d'émission, mais juste avant ça, il est temps de jouer avec Kix. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Hi everybody, est-ce que vous êtes... Je vais toujours faire le con. Hi everybody. Non mais sérieux. Non, allez, vous êtes prêts pour commencer ce jeu avec la première personnalité? Ouais, let's go. Ok, alors c'est parti. Ça va? Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme c'est comme ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est... Découvrons-le ensemble. S'il vous plaît. Interrupteur. Interrupteur. Je propose Ramzi Bedia. Ramzi Bedia. Ok, d'autres propositions? Bah oui, c'est l'autre. Maintenant que j'ai buzzé, je peux plus buzzer. Putain, quel con. J'avais une chance sur deux, quoi, mais sans déconner. Ah, ça m'énerve. Vas-y, deuxième. Vous voyez le petit, par exemple? Il est amoureux de moi, ça fait 2 mois qu'il me saoule. Il m'a même offert des apéricules. Comment ça? Eh ben, il les a collés sur la vitre. Mais oui. Une réponse? Qui veut tenter? Ah, qui veut attendre d'avoir le troisième extrait? Antoine va buzzer ou pas? Bon, non, il attend le troisième extrait. Ah ouais, attends, on n'avait pas prévu que t'es un buzzer. Comme tu viens. Mais tu viens une fois par mois. Ah ben oui, oui, oui. Ça fait bien, non? Voilà, vas-y. Donc, Eric Judor? Non. Mais c'est une blague. Attention, Maëva. Eric et Ramzi. Voilà, bonne réponse. Bim. Ah oui, c'était... C'est méchant, mais c'était ça. Allez, on continue ou vous avez envie de me casser la tronche? Non, moi ça va nickel. Ok, alors ça va, on commence. Moi je vais te péter la gueule, t'as rien vu arriver, toi. Et il faut qu'on en parle. Oui. Va vous faire deviner une personnalité. Eh ben, il compte pour une, hein. Ah, on joue à ça. Ah ouais. D'accord, ok. Ah oui, j'ai... Eh, vas-y, deuxième manche. Non, c'est trop simple. La vie m'a raconté. Oui. Mimi Mati. Et bonne réponse de Jadoul. Mais what? Et bah si, c'est son hit. Bah non, fais écouter son titre. La vie m'a raconté qu'il fallait être fort. Il y a toi qui connais ça. C'est vrai que c'est très fort quand même parce que... Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup percé avec ce titre. Même moi, je connaissais pas. Ah, c'est vrai? Oui, pas du tout. J'ai découvert. Ah, si, c'était sa période coup de tri. Et c'était Mimi Mati, donc la vie m'a raconté. Donc ouais. elle dit que ça, mais c'est ça. Ben voilà, Mimi Mati. C'est bien de pointer qu'elle n'a pas beaucoup percé. Hein. Oui, pardon. Désolé, Mimi, hein, mais voilà. Allez, on s'appelle d'autres extraits? Non, tu les manches. Des idées? Non. C'est des personnes, c'est pas des... Oui, mais oui, non, c'est vrai. Ah, deuxième extrait? Ouais. Oui. Ah, ça va être un rébut, je suis sûr. C'est pas. Je ne dirai rien. Réfléchissez bien. Je lui donne le troisième indice. Vas-y, vas-y. Et ensuite... C'est ça le troisième? Je vous donnerai une info, oui. C'était très bien enchaîné. Merci. Les trois films ont le même lien. Je l'ai coupé comme un gros porc, mais... Donc, les trois films ici ont un seul lien. Lequel? Je dirais les animaux. Mais oui. C'est que tu aimes les animaux, mais c'est pas ça. Merde. Pas d'idée. Qui veut buzzer, personne? C'est pas la même personne qui a fait. Allez, qui buzz? Donc, il y a quelqu'un qui se. Allez, Maëva. Donc, Maëva. Ah, mais non. Qui a fait ces films? Allez. Ah, c'est culte. Ah, purée, j'ai peur de dire des grosses bêtises. Mais c'est pas. Enfin, ouais, non, si, c'est grave, parce que pour le coup. Spielberg. Lucas? Ah. Non, c'est pas Lucas. C'est moi, j'avais dit Spielberg. Et si je me trompe, bonne réponse de Maëva. C'était trop tard, elle avait déjà buzzé. Spielberg. Non, j'avais pas. J'ai buzzé, mais j'ai pas donné de réponse. Et quand j'ai dit Spielberg, il a buzzé en me coupant la parole. Déjà, ok. Alors, 5 minutes, elle me tire les cheveux. Du coup, c'était bien Steven Spielberg. Sauf si je dis complètement des bêtises. Ça se trouve, c'était. On vérifie jamais ces jeux. Non, c'était ça. Ouais, c'était ça. Bon, du coup, ça fait 2 points pour Maëva, 1 pour Jadoul et 0 pour Antoine. Je suis quand même très fier d'avoir trouvé son Mimi Mati. Hein. Ouais. Cela dit, c'est vrai qu'Antoine n'avait pas beaucoup de chance parce que tu lui as quand même donné le buzzer de Kix et c'est vrai que ça porte la poisse. Ça, bah bien sûr, ça c'est la poisse incarnée. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, ça. Bienvenue, merci de nous écouter. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. On écoute Hamza maintenant et juste après, on démarre la deuxième heure d'émission avec plein de belles surprises. Vous allez adorer ce qu'on vous a préparé. Je peux déjà vous annoncer qu'on va retrouver Jean-Michel dans son crypto-troquet. Il est encore très en forme. Je sais pas ce qu'il a prévu pour nous, mais ça va être sympa. Le jeu de la chanson sera de retour. On va faire le « Je dis non ». Ça va vous plaire. On va essayer de faire rimer tout ça. Le Blanklet sera là sur les coups de 22h. Bref, une belle soirée en perspective. Le fallait nous le dire plus tôt, mais Eva va nous faire aussi jouer dans un instant. Dès 20h, c'est la trappe. Une soupe au poireau. Let's go. That's life. C'est un peu dur quand même. Hein? Tous les mercredis dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Présentement. Comme ça qu'on dit... Présentement présent. Mais Antoine le fait bien aussi. C'est vrai, moi je sais pas du tout faire le canadien. Tu sais faire le canadien? C'est pour faire l'accent québécois. Non, non. Oh putain, il le fait bien. What? Waouh, je suis choqué. Donc on reçoit un canadien avec nous. Bah tu sais ce qu'on dit, hein. That's life. That's life. C'est un peu dur quand même. Hein. C'est notre running gag, je pense, avec Antoine. Je pense qu'on est capable de faire ça durant des heures. C'est un peu le problème. Si je peux faire Léo Mattei pendant toute l'émission. Brigade des mineurs. Ouais, il me fascine. J'ai vu, je sais plus si c'était Combini ou un autre média qui avait fait une interview. C'était Yahoo qui avait fait... Oui, Yahoo, un média. Content de savoir que Yahoo existe toujours, c'est déjà un bon début. Yahoo a fait une interview de Jean-Luc Reichmann, je pense que ça devait être très tôt le matin. Vous savez, le matin, quand on est à son premier café et qu'on a encore la voix grasse du matin, je peux vous dire qu'il m'a fait Jean-Luc Reichmann dans l'interview... J'ai commencé en tant que voix off, tu vois, et... J'avais limite mal à la gorge tellement c'était dans les graves. T'as pas un filtre à café pour mettre sur le micro? Le truc de, tu sais, de la clope, le filtre à tabac là. Je sais pas s'il clope, il devait cloper lui à mon avis, hein. Comme une cheminée. Possible. Ou ça se trouve, il a jamais fait ça. Bref, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour dire que Maëva va nous faire jouer. Je pense que ça a un rapport avec... Les jauges d'essence sur les voitures. Ah oui, il y a un symbole sur les jauges d'essence avec une flèche, on sait pas. Alors moi, j'ai jamais vu parce que je conduis pas, mais... Mais si, t'as la jauge d'essence et puis t'as une petite pompe dessinée. Oui. Et à côté, il y a une flèche. À côté, il y a une flèche? À côté de la petite pompe. À côté, au-dessus, souvent à côté. Ah, je savais même pas ça. Eh ben, tu m'en apprends une. Ouais. On découvrira ça, ce sera le fallait nous lire plus tôt dans quelques instants. Radio Falminoul est de retour pour le 20e épisode, anniversaire. Déjà. C'est long ou ça va? Ils ont su tenir dans les temps? Ils nous ont fait 4 minutes cette semaine. Ok. Ouais, ça va. 4 minutes. Quel cauchemar. 4 minutes. Maëva, t'as le temps de fumer 2 clopes et aller aux toilettes. Let's go. Et juste avant ça, si on se faisait les infos qui passent à la trappe. Oui. Alors on démarre jeudi dernier. Un petit serpent des blés. Un serpent des blés. Un serpent des blés. Ça s'appelle comme ça. Un serpent des blés, donc. Oui. Un serpent des blés a été retrouvé dans une cave d'un bâtiment situé chaussée d'Anvers à Bruxelles. L'animal, probablement rescapé d'un commerce qui se trouvait à cette même adresse, a été confié à un refuge spécialisé. Un serpent des blés, à Bruxelles. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Et c'est pas très très loin. Hein. Alors, si ma chérie m'entend là, actuellement à la radio, on est d'accord que d'habitude c'est moi qui descends les poubelles, mais tu m'excuseras hein, si cette tâche ménagère... Voilà. Non mais d'après internet, une morsure d'un serpent des blés est inoffensive pour l'homme, hein. Je tiens à vous rassurer, aussi bien pour les adultes que les enfants. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Deuxième info, comme vous le savez, en France c'est un peu mouvementé, hein. Pour le moment il y a des manifestations, tout ça, les réformes des retraites, ah ouais, dans les rues et tout. Ouais, c'est... T'as pas su, ah bon, ouais, t'étais dans une grotte, mais je peux te dire que là-bas, bref, ils sont révoltés, ça fait des mois qu'on entend ça en boucle, mais bon, ça n'a pas trop l'air de perturber Louis, un youtubeur italien de 25 ans, qui est venu dans les rues de Paris à la recherche du meilleur croissant pour réaliser un top 5. Ah! Ouais. Il a... Ok, il a osé faire ça. C'est comme si on annonçait que le prince Charles allait rendre visite à Macron en plein milieu des manifestations. Ah si, pardon, il l'avait planifié ça. Non mais à mon avis, dans la tête de ce youtubeur italien, oui, la France entière. Et alors, moi je passe sur YouTube et j'en fais pas tout un camembert. D'ailleurs, prochaine vidéo, top 5 des meilleurs fromages en France. Ça va être ça, vous êtes sûr. Allez, troisième et dernière info. Je sais pas si vous avez vu cette image incroyable, c'est le Dalai Lama. Dalai Lama. Ouais. Donc le mec en toge qui a présenté ses excuses lundi à un petit garçon pour lui avoir demandé de lui sucer la langue il y a quelques semaines à l'occasion d'une audience dont une vidéo avait émergé sur les... Oh, non, l'image est folle. Le Dalai Lama a demandé à un enfant de lui sucer. Je l'ai vu passer. Non. D'après lui, il s'agissait d'une taquinerie, mais bon, déjà, le milieu de l'église, on va pas en parler. Alors, comme on a beaucoup d'humour ici dans l'équipe et qu'on respecte tout culte, on respecte absolument toute croyance, j'aimerais que l'équipe quitte ce studio. Allez-y, hein, prenez la porte et revienne à mon signal. Alors, avant de vous installer, hein, s'il vous plaît, sucez-moi la langue. Si l'un d'entre vous n'accepte pas, il... Allez, à qui le tour ? C'est bien, Kix. Maëva ? Au revoir. Non, mais c'est pas vrai, on était tous prêts. Jadoul, dès 20h, sur KIF. On peut pas compter sur toi. Eh oui, c'est Shakira qu'on écoute maintenant. Bah, tu prends comme mon cul. Grosse dégueulasse. La règle, c'est con, elle en fout plein la gueule à Gérard Piqué. On vient dans un instant avec le Fallait le dire plus tôt et Radio Famille, vous ne bougez pas. La trappe, tous les mercredis dès 20h. Avec Jadoul. Jadoul, sur KIF. Tout le monde est prêt pour accueillir les meilleurs amis de Maëva ? Bien sûr. Oui ! Oui. Arrête, ils se sont donné beaucoup de mal cette semaine pour leur 20e épisode dans l'émission. Oui, déjà. Alors, ça va, tire non, pas cette gueule. Non, j'ai envie de dire seulement. Ça fait... T'inquiète pas, la fin de la saison arrive. Fin juin, ils sont plus là. Ouais, mais ils sont pas comores, hein, donc ils pourraient revenir sur d'autres radios. Elles vont envoyer le Covid là-bas qu'on n'aura rien vu. Bon, je vous propose qu'on se connecte donc à ce petit village... Falmignoul. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falmignoul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont créé des jingles. Bon, faut vraiment que l'on s'y mette, Guy. À quoi ? À l'informatique ? Non, déconne pas. Plus sérieusement, il faut qu'on fasse des indicatifs sonores pour la radio. Comme les grosses stations radio ? Oui, par exemple celui-ci, écoute. Je sens mon cœur qui bat. Oh, ça on voit ça ! Oh, facile de faire pareil, mon vieux ! Faisons alors. Lance la cassette et moi je fais la voix, toi tu fais les effets. Vous écoutez... Plusieurs échos, Guy. Écho. Ok. Vas-y. Vous écoutez. Radio. Attends, il faut que je revienne près du micro. Radio. Falmignoul. Je peux m'arrêter? Oh, tu te rends compte que ça ne va pas, on va faire d'autres jingles. On va faire un petit dialogue naturel. Oh bah, quelle est la radio qui te met de bonne humeur? Bah c'est Radio RTL. Mais non, idiot! Oh pardon, oui, c'est Radio Falmignoul. Oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Radio Falmignoul, on peut la refaire. Oui, bonne réponse, mon Guy. C'est bien. Donc on va la refaire, naturelle. Mais quelle est la radio Radio Falmignoul. Bonne réponse. Merci. Et Radio Falmignoul sur la 97.8. Oui. Oh, t'entends toujours, même quand tu t'éloignes. Oui. Ah ouais. Bravo. Essaye depuis les toilettes. On peut faire des effets avec ça. Tire la chasse quand je te fais un signe. Ça va faire des gros effets. 3, 2, 1. Radio Falmignoul, ça tourbillonne comme dans la cuvette. Ah non, pas sûr du slogan, ça. Prends un peu le bol, on va faire un autre style de jingle. Donne-nous le tempo avec les cuillères. Ça va un peu vite, Guy. Mais je ne fais pas exprès, hein. C'est ma Parkinson, mon vieux. Ah, donne-moi ce bol. Oh, Guy, bordel. Merci. Comme ça. Vous écoutez la radio, pas de mignol. Vous écoutez la radio, pas de mignol. Ah, c'est bien. On l'a. On va le diffuser. On écoute le résultat. Merde. Guy, t'as pas appuyé sur l'enregistrement en même temps que le bouton play. Oh, ça va, hein. On rigole pas des handicaps. Si seulement je n'avais pas laissé mon doigt dans cet accident de machine à découper le pain en 82. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. Pas mignon. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio. Je comprends rien. Arrête, on use de la cassette. C'est la radio que toute la population écoute. C'est la radio Fall Mignol. Fally. Fally. Mibi. Fallus. Fallus Mignol. Ça s'arrange pas, hein. Il faut savoir qu'on enregistre ça par série de 4 épisodes et je pense que ça va être la fin de session. Bah Eva, souris. Ouais. Nous, on redécouvre tout ça à l'antenne. Ah, dingue. Vous, vous marrez de vos propres conneries. Ah, bah heureusement, ça fait au moins 2 personnes qui rigolent. C'est la trappe sur KIF. Et puis un jour, ils iront sur la Lune. Enfin, ça, c'est selon Big Flo et Oli. On fait que passer. Dans un instant, il fallait nous le dire plutôt, Maëva. Tu vas passer juste après Radio Falmini où j'espère que le niveau sera là. Un jour j'irai sur la Lune. Des chauffeurs dans Bruxelles et la soirée est longue. Avec la trappe, la route passera beaucoup plus vite. Jadoul, dès 20h sur KIF. Fallait nous le dire plus tôt. Maëva, tu nous parles cette semaine de... Alors, je vais vous parler de la petite icône sur la jauge d'essence, donc qui montre le niveau d'essence dans la voiture. Et au-dessus, il y a une petite icône de la pompe à essence et à côté, il y a une flèche. À quoi ça sert ? La flèche. C'est une mini flèche, franchement. Quand j'ai eu l'info, j'ai été voir dans toutes les voitures autour de moi et il y a vraiment cette petite flèche. Alors, c'est un truc que peu de Belges utilisent, mais je dirais le clignotant. Le... Mais non, non, t'as pas compris, toi. J'ai jamais remarqué cette Non, oui, perso. Mais, et pourtant c'est intéressant, donc voilà. J'ai pas le permis, mais je le sais. Bah, mais non. Mais du coup, je le dirai pas. Ah, parce que tu vois son écran. Bah non. Ah, je, bah non, j'ai pas... C'est juste marqué, jauge d'essence. Moi, je dirais que ça veut dire... fais demi-tour, il y avait une pompe à essence. Non, je sais pas, la flèche. Mais ça bouge pas, t'as compris que c'était un dessin qui bougeait pas. Oui, mais elle fait quoi, la flèche? Oui, bah, dans quel sens? Alors, elle pointe un côté. C'est lié à l'essence. C'est pas indépendant. C'est vraiment collé à... Enfin, collé. Ah, c'est moi, je pense savoir sur cet indice. Je vais me joindre à Antoine, je pense qu'on pense à la même chose. Est-ce que ça veut dire de quel côté le réservoir d'essence? C'est oui. Ça. Tu pensais à ça aussi? Mais non. Oui, je pensais à... Ah, ouais, c'est ouais. Donc ça. Et voilà, moi, je le savais pas et je trouve ça super utile parce que quand c'est pas ta voiture et tout, même parfois la mienne, je me dis, mince, c'est de quel côté? Et ça m'est déjà arrivé, je vous promets, c'était pas ma voiture. Je me suis garée, j'ai dû regarder avant d'aller à la station essence et ben là, non, c'est... Voilà, toi qui déglingue une bagnole par semaine, on a trouvé le... On a trouvé le moyen que tu ne cherches pas tout autour de ta voiture. Ah, mais c'est pratique, ça veut dire que quand tu vas à la station de service, tu sais déjà de quelle pompe tu peux te mettre à côté. C'est ça. Oh là ça. Là, si t'as oublié, si tu foutu. Sais pas, tu regardes vraiment sur ta jauge d'essence, il y a une flèche qui va soit vers la droite, soit vers la gauche. Et c'est où se trouve ton petit... Réservoir. La vie est quand même bien faite, hein. Non, Mathieu, dites-moi, ne serions-nous pas sur une belle invention du genre humain? Deuxième, Maëva. Oui, alors là, celui-là, plus de gens le connaissent, mais ça sauve une vie une fois qu'on le sait. C'est le trou dans la cuillère à pâte. Donc, est-ce que vous voyez c'est quoi la cuillère à pâte? Oui. C'est l'espèce de... Comme avec des dents, la cuillère avec à des dents, ouais, des grandes dents et un trou au milieu. À quoi il sert ce trou au milieu? Un trou au milieu? Donc oui, donc t'as l'espèce de grande cuillère avec les grandes dents et au milieu, là, dans le creux, il y a un trou, un grand trou. À l'attacher au mur. Tu veux que je te montre la mienne? Ta cuillère à pâte? Oui. Ouais. Je t'en prie. Bah, je vais la chercher. Essayez de trouver, vous, dans l'équipe, en attendant. C'est pour que l'eau s'écoule? Non. Ah ben, du coup, c'est pas si connu que ça. Vous voyez de quelle cuillère je veux parler, hein, vraiment? Bah oui. Donc celle qui celle avec les espèces de grandes dents, les ondulations, ouais, ouais. Qui est vraiment bien quand il y a des spaghettis pour les saisir. Ouais. Mais non, ça c'est. Mais ah, lui, il est parti. Lui, il est parti chercher une pince. Une pince à saucisse, une moi, pince. Moi, je vous parle à... vraiment. Tu vois une cuillère en quoi, c'est géant. Pas ça. Non. Non, c'est vraiment. Non, ça, c'est une c'est pince. Vraiment celle avec les, grands, ah. Les espèces de grandes ondulations dedans. Vraiment pratique pour saisir le spaghetti quand il est cuit et que ça retombe de tous les côtés. Ok. Moi, je vois pas à quoi ça sert le trou milieu. Pour la vapeur. Non. Bon, bah, qui a l'idée ici? Qui le sait réellement? Moi. Mais dis donc, X, tu excelles ce soir. Je pense que j'ai trouvé la... En fait, dès que c'est du truc à la con, il le sait. Je suis sûr que ça le passe. Explique-moi alors. Je pense que c'est pour doser les pâtes. C'est ça, exactement. Ah, ben voilà. Est-ce que ça vous il est plus fort que nous. Il sait pas cuisiner, mais il est plus fort que nous. Pour une fois que j'ai bon à un jeu. Ça vous arrive jamais de cuire 3,5 tonnes de pâtes juste pour vous? T'en fais trop. Tu vois ta petite casserole, tu fais, bah, il faut la rentabiliser. Mettre deux pâtes. Et après, tu bouffes durant 3 jours des pâtes parce que t'en as fait trop. Et ben, si tu fais des spaghettis, utilise ta petite cuillère. Tu mets dans le trou quand ils sont encore crus du coup et durs. Et quand ça a la circonférence du truc, et ben, c'est que t'es bon. T'es pour une personne. Et donc, j'en ai pas. Moi, j'ai que la petite pince. Mais t'es condamné à faire trop de pâtes toute ta vie. Donc, je sais que je vais devoir encore bouffer des pâtes durant 3 jours parce que j'en fais trop à chaque fois. Et que je... Merci pour l'astuce, Maëva. Avec plaisir. Dans un instant, on va avoir évidemment le Blenklet sur les coups de 22h dans cette émission. Et puis, Jean-Michel sera là avec nous. Ça fait un moment qu'il ne nous a pas chanté de chanson. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. J'espère qu'il va nous refaire une chanson. On va se perdre à nouveau sur Internet juste après le jeudi non. Vous connaissez tous le jeudi non? Oui. Bien sûr. Alors, c'est pas le jeudi non. Mais il faut juste compléter. Surtout, jeudi non. Voilà, et vous faites quelque chose avant qui rime. Surtout qu'on est mercredi, donc... Oui, donc le faire le jeudi non à mercredi. Jeudi non. À tout de suite. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Ok. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Accordéon, je devine. Évidemment. C'est donc le retour officiel de Jean-Michel dans la trappe. Maëva, distance de sécurité, on rappelle. Hein. Oui. Attention, prends ses gardes. Déjà qu'on est dans un petit studio provisoire. Il a retrouvé notre adresse. Non, tu lui as donné. Oui, bon, ça va. On aime bien qu'il soit là. C'est toi le coupable, cherche pas. Et donc là, tu seras au plus proche de Jean-Michel au final. Entre Kix et toi, il y a Jean-Michel qui vient de s'installer. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Oh là, votre voix m'a manqué. Je pensais pas vous dire ça un jour, mais vous m'avez manqué Jean-Michel. Oh bah moi, les faux culs, ça me manque pas. Pourquoi faux culs? Et je suis vrai de vrai, moi. Ah pardon, je fais que vous rigolez. Non, c'était pas une blague. D'accord. Vous avez fêté Pâques un peu chez vous, Jean-Michel? Vous êtes vraiment en train de me demander si j'ai fêté les cloches de Pâques? Alors déjà que l'on vit avec des cloches toute l'année, alors si en plus maintenant on doit commencer à les fêter... Jean-Michel, ah oui bon, il a encore comme d'habitude rien compris à cette fête, hein, bon bravo. Mais si, mon Jean-Doul, j'ai bien compris, mais excusez, hein, mais lâcher des lapins qui chient des œufs de Pâques et demander aux enfants de les ramasser, excusez-moi, mais hein, bon, parce que hein, ça va, et où, et... Hein, je rajoute quand même, et... Hein, parce que bon... Hein. Alors... Ah, bon, vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui. Bien. Bon, alors. Il est fou, Jean-Michel. Changeons de sujet. Bon. Comment s'est passée votre soirée hier? Monique nous a dit que vous aviez une nuit assez mouvementée. Vous n'aviez pas sommeil, vous avez rêvé de quoi? Non, il va rechanter, mais c'est pas vrai, mais non. j'en ai quasi la larme à l'œil, Jean-Michel. Waouh, vous nous avez réussi à instaurer de l'émotion dans votre séquence. Ah oui. Oh, c'était un beau voyage. Moi, j'en suis touché. Oui, bah, d'ailleurs, votre accordéon, maintenant, il fait tâche par rapport à tout ça. Vous n'avez pas un truc un peu plus doux? Voilà. Ça vous convient? Oui, merci. Ah, mon dit qu'elle gère bien. Oh, voilà. Je pensais qu'elle connaissait qu'un morceau. Bon, si on départ, on s'est entraîné. Hein. Donc, c'était ça votre rêve, Jean-Michel? Un rêve? Oh, j'aurais plutôt dit un cauchemar. Hein. Attends, les yeux fermés, je vois une magnifique bière comme je les aime, et puis je me fais réveiller par ma Monique. Bigoudi dans les cheveux, dents qui flottent dans son verre, et pyjama en laine. On s'en fait rêver, hein? C'est de moi que tu parles, Jean-Michel. Ah oui, bah, continue à faire ta musique, toi. T'aimes pas mes bigoudis? À une époque, tu les aimais. Non, d'ailleurs, non. Ce que tu faisais avec mes bigoudis, on peut le raconter peut-être. Non, parce que là, Maëva est déjà en train de vomir alors. L'émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. G-R-A-N-D, n'importe quoi, grand n'importe quoi. C'était donc ça. Dans un instant, le certifié, on va se perdre sur Internet avec Richie Boy juste avant. Bienvenue. Tous vos sons préférés toute la soirée. Il y aura Fresh d'ailleurs dans quelques instants. Fresh, Nouvelle École, tout ça, ça vous dit rien? Si, j'ai commencé à regarder un petit peu. Il dit quoi le monsieur qui se réveille dans le fond? Non, je me préparais. Je disais, j'ai commencé un petit peu Nouvelle École, juste à regarder comme ça. Ah et, ouais. Et c'est le gagnant du coup, c'est ça, hein? Oui, c'est Fresh, la peu fera. Okay. La peu fera, bien sûr. La peu fera. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Plein de belles choses arrivent dans un instant, le certifié sera là. Mais je vous propose de faire une séquence qu'on appelle dans le jargon « casse-gueule ». Toute l'équipe va se prêter au jeu du... Je dis non. Refais-le. Je dis non. Attends, vas-y, relance en même temps. Je dis non. J'avais exprès de faire un décalage. D'accord, ok, d'accord. Oui. Tu te foires moins quand tu le fais exprès. Ouais. Ouais, je trouve. Tandis que essaye de le faire vraiment synchro. Je dis non. Bah, tu vois, c'est pire. Ouais. Allez, je dis non. Chacun à son tour. Où c'est que j'ai mis mes réponses? Tout le monde est prêt? Oui. Je dis non. Courir dans la maison sans pantalon. Je dis non. En couple se percer les boutons. Je dis non. Faire plusieurs jours sans changer de caleçon. Je dis non. Quitter la maison en précipitation. Je dis non. Ah ouais. Je dis non. Il était serré. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non. Je dis non. Écouter Céline Dion en boucle. Je dis non. Laisser activer le mode avion. Je dis non. Sentir mauvais la transpiration. Je dis non. Les allergies, c'est de saison, mais... Je dis non. Vous avez été très très bon jusqu'ici. Bravo. Merci. On se fait une dernière manche? Ouais. Ouais. Je dis non. S'habiller chez Decathlon. Je dis non. Ne pas pouvoir insulter son patron. Je dis ah bah non, ça non. Les femmes qui doivent encore payer leurs tampons. Je dis ah ouais. Non. Au menu, il n'y aura que du poisson. Je dis non. Ah non, je dis non aussi. Ah non, voilà. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non, je dis quoi? Je dis non. Oh, ça aussi, c'est déficit. Et quand se termine la chanson, je dis non. Non! Il a marché sur le pied à la fin, je pense. Le certifié dans quelques minutes, on va se perdre sur Internet. Si vous trouvez que les soirées sont longues, vous trouverez le mercredi soir très court. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On va jouer, mais bien sûr, vous allez essayer de trouver quelle direction on va prendre pour se perdre sur Internet. Trois chemins s'offrent à vous. Voici le premier, la chaîne qui déchaîne. Le deuxième, la chaîne du trader solitaire. Troisième proposition, la chaîne de la manif. Dans cette équipe... La chaîne de la manif. Manif, t'es plus ouais, manif en ce moment. Ouais. Ça colle à l'actu, c'est vrai. Ouais, manif, oui. Manif, Maëva. J'aurais pu dire ça, mais je vais prendre plus de... Mais non, elle a toujours eu du nez pour cette séquence. Elle a deux chances à chaque fois. Vas-y. Non, je dirais bien la chaîne de la manif cette fois-ci. Vous êtes perdu sur Internet. Eh bien, on prend la route de la chaîne du trader solitaire. On va dire bonjour à notre Emilio Trading QC. Ça fait maintenant plus de 3 ans que le trading, c'est ma passion. Puis je dois vous avouer que mon quotidien ces dernières années, crois-moi, plutôt solitaire. Oh, il est seul, le pauvre loulou. Figure-toi donc que j'expérimente ce qu'on appelle la solitude du training. Oui, bah, je suppose comme partout. Mais, excusez-moi, mais en fait, c'est quoi c'est quoi? Un trader? Ah oui, c'est pas ceux qui font des trucs de des sous. La bourse, tout la ça, bourse. Des gens qui analysent les marchés, tout ça. Comme les loups de Wall Street. Oui, okay, c'est mais... ça, voilà. Mais je pense que je suis pas la seule à pas avoir compris, donc je pense que là, il y a plein de gens qui disent merci Maïva d'être bête comme moi. Oh, je pense pas qu'ils disent ça, mais ils te remercient pour la définition, en revanche. Donc, un trader, voilà, c'est un mec qui est tout le temps dans les chiffres et qui essaie de faire des affaires, du moins... C'est ce qu'on pense comprendre, parce que chacun a sa définition aussi de ce métier. C'est prenant d'être trader? Entre le temps que je passe à analyser des graphiques, puis le temps que je passe à étudier, je vois personne. Oh, il voit personne. Oh, mais il faut se sortir de là. Et la solution à mon problème, j'ai nommé Pierre Palmade. Oh, je ris, ça va, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être pas encore faire de vannes là-dessus. Reprenons, tu disais. Et la solution à mon problème, j'ai nommé et live trading. Oui, du live trading, ça doit être passionnant, du live trading. That's live. On va voir, hein, parce que... Ouais, ça doit être impressionnant, ça consiste en quoi un live trading? Je compte être présent chaque soir, lorsque le soleil est couché, ici avec vous pour trader en direct sur cette chaîne YouTube. Oh. Mais surtout pour parler avec vous, partager et répondre à vos questions si vous en avez. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. En tout cas, moi, je me souviens, quand j'ai commencé le trading, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un pour répondre à mes questions en direct. En direct. Ouais, là-dessus, il n'a pas tort. C'est bien de partager son expérience, ouais, et créer un espace de discussion où on peut chacun donner son point de vue et contribuer. Mais, cette annonce date d'il y a 14 jours. Depuis, on a analysé la chaîne tous les soirs, pas un seul live. Alors j'avoue, ce mec, derrière son ordi en train de faire du trading, moi, perso, ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, si jamais vous voulez le rejoindre... C'est gagnant-gagnant. Que ça va, je l'espère, pour moi, rompre la solitude du trading. Que ça va permettre à d'autres traders de partager et d'en apprendre. Ça me coûte rien. Moi, de toute façon, je serai ici à mon bureau en train de trader. Donc si ça peut vous faire plaisir, chaque soir, c'est un rendez-vous. Je vais être ici pour répondre à vos questions. Surtout, gênez-vous pas. Surtout, gênez-vous pas, voilà. N'hésitez pas. Je sais pas si ça se dit, gênez-vous pas. C'est pas parce quand que... il dit, je suis en train d'être tradé. Ouais. C'est en deux mots, je suis en train d'être aidé en fait. Ah, c'est donc c'est ça, ok, voilà, d'accord. Ouais, okay, d'accord. Dès 20h, c'est la trappe sur KIF. Allez, Zola, et juste après, on fait le banquet. Yes. Ah, je vais co-perdre. On a l'habitude, merci les gars. J'ai peur des fois, je sais pas que quelque chose nous sépare. Une soupe au poivre. Vous êtes sur la messagerie. La messagerie de 0, 4, 7. Ah non, pardon. Ah, j'ai cru que t'allais balancer mon numéro. C'est parti, hein. C'est parti, hein. C'est pas, c'est pas, c'est parti, hein. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Music Machine. Tous les voyants tapent dans le rouge, ça veut dire que la séquence est bonne. Au secours. Au secours. En un seul mot, bien sûr. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Le blanket, vous connaissez le principe, mais Maître Ispa qu'on accueille dans ce studio va vous l'expliquer. Bonsoir, alors c'est très simple. Les principes des jeux, c'est que l'équipe de la trappe... Des œufs, non. Des œufs, mais oui, on c'était les mange. Fini, ça. C'était, non, c'était les principes des jeux. Des yeux. Les jeux olympiques. Pardon? Les jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Ah oui, les oui, Jeux. Oui, les Jeux. Oui, oui. Pas les Jeux des pommes, ni des fruits, des fraises. Allez. Ok. Chi. Donc les buts, c'est très simple. Eh ben, on a été trouver des gens sur Internet et vous allez devoir trouver chez qui. J'ai compris? L'artiste original. Je bah, parle pas beaucoup français. Question. Hein? J'ai récapitule. Je récapitule. On a compris, D'accord, on a compris. Ça va. Allez, merci. Je savais que je parlais bien. Oui, bah oui. Tant que vous notez les points, vous savez, vous pouvez parler comme vous voulez. Je peux compter sur vous. Les amis, je vous propose qu'on passe à notre premier extrait qui vient de TikTok. À vous de retrouver titre interprète. On y va. Antoine, Maeva et Kix sont au taquet. Week-end à Rome. Week-end à Rome, week-end à Rome. Waouh. Alors là, c'est compliqué, Maître Ispa, parce qu'ils ont eu tous les deux la bonne réponse. J'y pense que... Mais je vais me faire taper par Antoine, j'ai pas jusqu'à chez Maëvache. Non, il a dit. Maëva. Oui, c'est pas moi que vous allez vous faire taper. Maëva dit week-end à Rome quand j'ai dit Étienne Daou. Voilà. Allez, le point pour les deux. Alors, ouais. Pour le jeu. Un point chacun. Si. Si. Après, on rigole, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi aussi. La noter, mais la noter. Pas, oui. Oh là là. J'ai une petite question. Est-ce que je peux faire les points avec. Non, mais toi tu joues aussi en fait. C'est le principe. Ouais, sinon tu finiras sur TikTok à chanter comme ce monsieur. Week-end à Rome. Afin de coincer ta bulle dans ma bulle. L'instru n'a aucun rapport. Non, mais c'est toujours comme ça. J'en ai marre. J'aimerais tirer un coup de gueule à toutes ces personnes qui font des reprises. Prenez la bonne instru. Astu. Ah, mais voilà. J'en bégaye. Oh, oui. J'ai failli perdre, oui. Mon sang froid. Oh, oui. Ce sera moi à la fin de la partie. C'est... Oh, oui, j'ai failli perdre. Mais il chante plus, là. Je voudrais coincer ma bulle. Oh, oh. Oh, dans ta bulle. Pour tout le respect que j'ai pour Étienne Daou, on comprend enfin les paroles. Oui, c'est vrai. Voyons le bon côté des choses. Bah Eva, je pense que tu peux officiellement passer ton coup de gueule pour l'équipe de production qui prépare ce blanklet. Quand vous prenez des personnes qui reprennent des musiques, j'aimerais qu'ils prennent la même instru parce qu'en les reprenant, on les encourage, alors ils continuent, ils font n'importe quoi et je suis totalement contre. Merci beaucoup, je pense que le coup de gueule. Ils ont raison passé. Et ils devraient même donner les réponses. Toi ta gueule, t'as jamais trouvé un truc. Allez, on y va, deuxième manche, c'est parti, concentrez-vous. Celui-là, c'est la, je pense, la manche la plus compliquée de toute Blanklet ce soir. Maybe I'm a girl a little anxious, maybe I'm a girl a little shy, cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. Oh, I don't wanna do is just hold somebody, I don't wanna get to know somebody, I don't even know how to say this. Je pense que ça me dit un truc. En plus, c'est la cape, il n'y a même pas d'histoire. My lover, c'est pas ça? Non. I promise myself one day. GG, attends. Oula, Maëva, un sursaut. Elle a lâché un GG, là. I'm gonna tell them all that you could either hate me or love me, but that's just the way. Dua Lipa. Non. S'il vous plaît, trouvez, je peux plus l'entendre. Shakira. Non. Je vais balancer toutes les stars. Mais chut. That's just the way I am. That's just the way I am. That's just the way I am. Ah non. That's just the way. Bon bah voilà. Elle vient de le dire trois fois. C'était the way I am. Voilà, de Charlie Puth. C'était un mec. Non, c'était une madame qui chantait. Oui, mais Charlie Puth, c'est un garçon. Grosse. Non, en fait, je l'avais pas. Donc. Ouais, pas du tout. Non. Moins connue celle-là de Charlie Puth. Alors que la version TikTok. Hey. I'm gonna tell them all that you could either hate me. C'est elle qui pousse. C'est Charlotte Pousse. Charlotte Pousse. I'm gonna tell them all that you could either hate me. Oh la vache. Ça va sortir, ça va sortir. Oh là là. Allez, encore un petit peu, pas de plaisir. But that's just the way I am. Ah oui, ça fait mal par où ça passe. Yeah, this is what you wanted. Stop the music. Arrêtons ce massacre. Arrêtons ce massacre. Ah, je suis fan d'elle. Bon, attention, là, il y a trois fans autour de la table. J'en dis pas plus. Voici la troisième manche de The Blanklet. J'aimerais être vivant. Indochine. Ne plus avoir peur. J'aimerais aimer mon père. Faut pas roter dans le micro, mais là. Le titre. J'aimerais bien qu'il attend. J'aimerais être important. J'aimerais être un désir. J'aimerais être impossible. Au poireau. J'aimerais non, c'est pas le titre. J'aimerais te voir grandir. Atténuité. Je la connais par cœur, mais je connais pas le titre. Tombera. Personne n'a le titre. Attends. Les dieux n'existent pas. Attaque mes rêves ou détruis non. Mon un rêve idéal, non, c'est pas ça. Non. Je sais que c'est pas ça. Un rêve incroyable. C'est juste ma vie, c'est juste mon âme. Mais enfin, personne va trouver. Mais ça, il a dit incroyable, il a dit idéal. Bon, alors, c'est pas un rêve, hein. Maîtrise pas déjà. Vous notez que sur la manche précédente, il n'y a pas eu de point. Si, j'ai déjà fait. Et là, maintenant, vous notez qu'elle a quand même trouvé un Indochine. En premier, elle l'a dit. En première, elle l'a dit. Mais le titre à trouver était Song for a Dream. Oh, excusez-moi. Pour le plaisir. Les yeux n'existent pas. À ta mère, vous détruis mon âme. Version TikTok. Tombera le diable. À fond, envoyez là. Les dieux n'existent pas. Attaque les rêves ou détruis mon âme. J'aurais rêvé qu'il se brise la voix à ce moment-là. Vous savez, à la montée et qu'après il fasse. Ah! Ça aurait été tellement drôle. Il est fort, notre garçon, là. Et moi, la nuit, je voudrais un rêve idéal. Et moi, j'oublie que demain, la réalité... Décale-toi. Voilà, merci. Je vous propose qu'on fasse un récapitulatif des points avant d'attaquer l'avant-dernière manche, maîtrise pas. Si, ça fait 2 points. Ça, c'est bien. Pour Maëva. 2 points, oui. Je l'ai bien dit. 2 points. 2 points. Non, répétez après moi. 2. Che. 2. Che. 2. Che. Je vais vous frapper. Che. Non, 2. Che. Bon, allez, c'est tombé. Ok, 2. Et 1 point pour Antoine. Et pour Kix. Qui? Le garçon à lui, je connais pas. Je connais pas. Mais il est à côté de vous. Il est à côté de vous. Il joue pas. Il joue pas, d'accord. Kix, on t'entend toujours? Oui. Ok. Non, c'est pour être sûr que t'es là. Non, mais je... Ok, suivant. Dans son quartier... Et les yeux d'Emily, Jonathan. Jonathan. Voilà. Ah non, mais celle-là, il me la fallait. Hein. Waouh, ok. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emily. Je réchauffais ma vie. Quelqu'un veut un café? C'est ma tournée. Hein. Oui, c'est vrai que sur ce temps-là... Un sucre, s'il te plaît. Tu peux ramasser les feuilles... Range les sacs, amène-nous les vestes déjà. Ça fait un petit coup d'aspi. Oh bah, tant qu'à faire. Version TikTok quand même. Moi j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Emily. Ouais, bon, moi ça me convainc pas. Hein. Bravo, alors on fait comment, maîtrise pas? Ils l'ont dit quasi en même temps, Jodassin. Moi ça fait 3, 2, 0. Je, c'était match. Voilà, vous savez quoi, Kix, soit tu nous fais un point juste pour être venu pour quelque chose. Ou alors Antoine, tant que l'égalisation. Allez, ouais. On essaye. On y va. Suivante manche. La Golf à Lolita. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, non, je connais pas. Allez, faut je connais, je connais pas. La Golf à Lolita, c'est le titre. Mais il nous faut le groupe. Ah, je sais plus. Mais c'était qui? Ah, c'est ça la question, c'était qui? Ah, ça. Allez, la petite culotte. C'est qui? Pas mal. Alors, maîtrise pas, c'est qui là qui a donné les réponses? Qui a donné la réponse, non? Non. Hein? Non, j'ai pas donné la réponse. Ok, pardon, excuse-moi, j'ai cru, j'ai non, eu espoir. N'essayez pas de me faire gagner des petits points, je vous ai vu venir. Faut de notre mieux, hein, écoute. À mon avis, il a une sono. C'est la fin de soirée, là, en fait. Mais non, parce qu'en fait, le plus triste, je pense, c'est qu'il est tout seul. Donc, à mon avis, il est chez lui avec un haut-parleur. À mon avis, tu sais, les petits effets qu'on achète, un stroboscope, un petit truc à la con, et un petit fumigène. Oh, ça doit être incroyable. Récap, s'il vous plaît, maîtrise pas. Oui, une dernière fois pour les auditeurs. Fait toujours 4 pour Maëva. Oui, j'aime bien, en fait, quand vous... La 3. Dernière chose, vous voyez. Alors, 2 pour Antoine et 0 pour Kix. Vous n'êtes pas clair, hein, quand même, quand vous... Kix. Quand vous communiquez. Kix, c'est quand tu reviens des soirées, quand tu bois de trop, tu lâches une kix. C'est comme ça. Merci beaucoup, maîtrise pas. Félicitations, Maëva, pour ta victoire. Merci. encore une belle semaine. Merci. Incroyable. Kix, merci d'être venu. Bah de rien, je gagne quoi? Un cadeau? J'ai... On va le droit de revenir la semaine prochaine. De l'esprit. Oh là là. Oh, c'est bien. Merci Antoine encore pour ce débrief de l'actualité tweetesque. Tweetesque, oui. Oh là là. Incroyable. Moi, je suis un fou de ma gueule. Bah oui. Je suis désolé, maîtrise pas. Vraiment, on a songé, parce qu'on a reçu une candidature d'un mec du sud de la France. Ouh, ça va pas me plaire. À vous remplacer. Parce que vous êtes déjà un peu cher, je trouve. Cher ? Oui, c'est ça. Il y a quoi dans vos poches, là ? Parce que là, vous avez quitté le studio. Il y a quoi dans vos poches ? Qu'est-ce que vous avez piqué ? C'est ce que j'ai piqué. C'était dans le coffre-fort là-bas. Je sais pas quoi. Oui, mais c'est ça, oui. Non, mais en fait, on se trompe depuis le début. C'est Maître Wish pas ? Oui, c'est ça. Maître Wish pas. Maître Wish pas. Maître Wish pas. Exceptionnel. Je l'ai toujours dit. Merci de nous avoir choisi. On vous souhaite une belle semaine. Toute l'émission à retrouver en podcast absolument partout. Et on se fait des bisous. À la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Jadoul revient mercredi prochain.